Audiomatic. Le projet australien Strange Anthem se chargeait d'introduire la transmission 1.2.9 d'Audiomatique avec une version de la pièce Dreamer qui prend forme sous la dénomination Pleasure Turbine Mix. Cette pièce se trouvera sur l'album Volume 1 Recut de Strange Anthem à paraître sous peu. Bienvenue à cette transmission d'Audiomatique qui sert en fait de tribune aux électronistes afin de partager leur inspiration du moment en matière de musique électronique. Et l'inspiration du moment est souvent puisée à même les archives du passé. Thank you. every breath of you. Still my heart this moment. The earth stops turning when I love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. All this time I le duo anglais Lamb nous offrait à Audiomatic leur magnifique chanson Gorky de leur premier album homonyme. Et précédemment, il s'agissait de leur compatriote Portishead et leur composition Team from To Kill a Dead Man du mini-album Glory Times, et qui est bien sûr le thème du court-métrage de 11 minutes du film donc To Kill a Dead Man, réalisé par les membres de Portishead eux-mêmes en 1994. C'est au tour de Robot Koch de nous livrer une composition électronique. Rider of the dark waves, kill me with your light. Cette séquence musicale de deux pièces se concluait sur la musique du projet argentin San Ignacio et sa pièce Buenos Aires Vista desde un Edificio Muy Alto, publiée sur la compilation Mare Insularum et produite par le collectif Chica Chica. Avant San Ignacio, Nous entendions le projet allemand Robocoche et sa pièce Dark Waves, qui met à contribution la chanteuse Delaya de France, pseudonyme de l'artiste émergente Franziska Grohmann. Cette pièce se retrouve sur l'album Hyper Moment de Robocoche, paru en 2015. Nous pouvons continuer à écouler le temps imparti à cette transmission d'Audiomatique en vous présentant une pièce de Killing Joke. We'll be right back. Audiomatix poursuivait avec le groupe français Trisomie 21 et la chanson Shift Away, précédée de Killing Joke et la pièce Millennium remixée par Juno Reactor sous le nom de Back to Orion Mix. Cette transmission 129 d'Audiomatix terminera sur la longue et contemplative pièce du projet grec Sideliner, intitulée Last Angel Calling. Cette pièce paraît sur le plus récent album de Sideliner qui se nomme Last Breath et produit par l'étiquette numérique Cosmic Leaf Records. Les électronistes qui vous remercient d'avoir choisi Audiomatic et qui espèrent que vous serez présents mercredi prochain dès 17h pour la transmission 130. Nous réitérons notre invitation à visiter nos plateformes virtuelles où vous pourrez choisir parmi toutes nos anciennes émissions, soit facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Allons-y avec Sideliner et sa pièce Last Angel Calling. Bonne écoute, bonne contemplation et que cela vous inspire une bonne semaine. Σήμερα που με